Jérémie chapitre 45. La parole que Jérémie le prophète dit à Baruch, fils de Nerija, quand il écrivait dans un livre ces paroles-là, de la bouche de Jérémie, en la quatrième année de Jéhojakim, fils de Josias, roi de Juda, disant, « Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, touchant toi, Baruch. Tu as dit, malheur à moi, car l'Éternel a ajouté la tristesse à ma douleur, je me suis lassé dans mon gémissement, et je n'ai point trouvé de repos. Tu lui diras ainsi, ainsi a dit l'Éternel, voici, je m'en vais détruire ce que j'ai bâti, et arracher ce que j'ai planté, savoir, tout ce pays-ci. Et toi, te chercherais-tu des grandeurs? Ne les cherche point, car voici, je m'en vais faire venir du mal sur toute chair, dit l'Éternel, mais je te donnerai ta vie pour butin, dans tous les lieux où tu iras.